scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les années 60, aujourd'hui, 1960, troisième émission. Quoi de neuf en 1960 ? Année riche, puisque nous nous y intéressons. Quoi de neuf du côté de la création artistique, par exemple ? En littérature, au cinéma ou bien au théâtre. Dans le domaine de la littérature, un jeune écrivain, à l'origine avec Philippe Solers et Jean Edernalier de la création de la revue Telle Quelle, va publier un roman, La Côte Sauvage. L'auteur ne sera l'homme que d'un seul roman, il mourra dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Jean-René Huguenin était l'invité de Georges Charbonnier pour Domaine du roman, entretien que nous écouterons en fin d'émission. Littérature, cinéma et théâtre, donc. Une jeune romancière, célèbre depuis le milieu de la décennie précédente, s'aventure en cette année 1960, sinon sur les planches comme actrice, du moins comme dramaturge. Va-t-on l'accepter sur ce terrain-là ? Plein feu sur les spectacles du monde. Une émission de René Villemay consacrée à Françoise Sagan. Avec Françoise Sagan, Michel Déon, Francis Ambrière, André Saudemont, Roger Réjean, Marianne Monestier et André Barsac, présenté par Yvonne Farvel. Sur les spectacles du monde, plein feu. Un succès fulgurant ne va pas sans dommage. Il suscite tout d'abord la discussion, ce qui n'est pas un mal, mais la passion a tôt fait d'aveugler partisans et adversaires. L'enthousiasme délirant des uns et l'acharnement rageur des autres s'accordent parfaitement pour mettre à mal la simple vérité. Or, voici que pour la première fois depuis, et malgré le succès sans précédent qu'elle avait rencontré, Mademoiselle Françoise Sagan fait enfin l'unanimité. Sa pièce, intitulée « Château en Suède », a rallié tous les suffrages, et Francis Ambrière, dont on connaît la juste sévérité, salue comme un événement heureux les éclatants débuts au théâtre de la jeune romancière. Je ne me serais certes pas attendu, il y a un an seulement, à ce que Madame Françoise Sagan relevât un jour de ma chronique. J'ignorais, comme tout le monde, que la romancière de Bonjour Tristesse, d'un certain sourire, de « Dans un mois, dans un an » et « D'aimez-vous Brahms » pensa au théâtre. Elle y pensait, Dieu merci, elle y pensait si bien qu'elle nous a donné, cette année, sa première pièce, qui s'appelle « Un château en Suède », dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette chronique, lorsque la répétition générale en fut donnée, et dont j'ai déjà dit tout le plaisir qu'elle m'a causé. Et pourtant, si l'on y réfléchit, mais c'est toujours après qu'on réfléchit et qu'on s'explique le pourquoi des choses qu'on aurait dû prévoir et annoncer, ceci est un reproche que je m'adresse à moi-même, en relisant les romans inégaux de Madame Françoise Sagan, on s'aperçoit que cette jeune femme, qui n'a peut-être pas encore l'expérience nécessaire pour nous donner de véritables romans au sens du mot le plus balzacien, qui est que l'humanité y doit proliférer, les caractères se heurter, les personnages être nombreux. On s'aperçoit, disais-je, à la lire, dans ses bonnes et dans ses moins bonnes pages, on s'aperçoit cependant que ce qu'il y a dans son talent si vrai et si important, de plus remarquable, on s'aperçoit que c'est la faculté du dialogue. En écrivant des romans toujours intéressants et quelquefois contestables, Madame Françoise Sagan ne savait pas qu'elle faisait, sans s'en douter, ses premiers pas vers le théâtre. Et ce que j'ai dit, je crois, et ce que je suis heureux de répéter dans la circonstance, c'est que les débuts de Françoise Sagan, dramaturge, sont beaucoup plus importants et beaucoup plus remarquables à mes yeux que les débuts de Françoise Sagan, romancière. Il y a, dès le départ, un bonheur de dialogue, une réussite d'invention, une vie et une précipitation toujours heureuse des scènes qui font que, lorsque je me souviens de cette représentation d'un château en Suède, le souvenir du plaisir me revient encore en mémoire, alors que je dois dire que je ne garde plus aujourd'hui qu'un souvenir assez vague des romans de Madame Sagan. Il y avait donc en elle, au-delà de la nouvelliste qu'elle était, et que l'on baptisait romancière pour obéir à la mode du jour, il y avait une femme de théâtre, il y avait une dramaturge au sens le plus vif, le plus réel, le plus spontané du mot. Que Françoise Sagan continue d'écrire des romans, si cela lui chante, mais je l'en prie, au nom de tous les amis du théâtre, qu'elle continue d'écrire pour la scène, car je pense profondément que c'est là sa véritable vocation. Le succès tapageur est souvent dangereux quand il s'adresse à la jeunesse, et il devient vite stérilisant si l'on tarde à se reprendre. La domination des futilités, la simplicité, le travail sont les marques du vrai talent. Voici Mademoiselle Françoise Sagan, lucide devant elle-même. Madame Françoise Sagan, le succès, la gloire même, vous est venu très jeune. Quel âge aviez-vous lorsque votre premier roman est sorti ? J'avais 18 ans. C'est évidemment très jeune pour une réussite comme la vôtre. Est-ce que votre départ a été facile ? Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire éditer ? Ou est-ce que ça a été facile pour vous ? Ben non, ça a été assez facile. Quoi. J'ai écrit ce livre en été, et puis après je l'ai mis dans un tiroir parce que je pensais qu'il n'était vraiment pas possible. Et puis après j'ai fait taper, mais j'ai dit tant pis, allons-y. Et puis alors, j'ai porté à deux éditeurs, puis ils m'ont téléphoné dans les 10 jours, puis ça a été. C'est parti. Et puis c'est parti, comme vous le dites. Est-ce que vous prévoyez le succès que votre premier livre aurait ? Oh non, pas du tout. Non, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir... Je pensais que peut-être ça pourrait marcher un peu et que je pourrais marcher une voiture à l'époque. Ah bon ? Par conséquent, c'était presque un but utilitaire pour vous ? Enfin, non. Ça vous a fait tout de même fait plaisir d'écrire. Mais enfin, quant au résultat, vous pensiez seulement à avoir de quoi vous payer une voiture. Je pensais plutôt à des résultats pratiques. Puis alors, je pensais surtout que si 2 ou 3 personnes à la vie desquelles je tenais, au point de vue littéraire, aimer mon livre, ça suffisait à guider ma vie pour un petit bout de temps. Le succès et même la gloire vous sont venus très vite. Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser, elle est peut-être indiscrète, si vous ne voulez pas, vous ne me répondrez pas. Oui. Quel effet sur votre psychisme, pour employer un mot facile, a fait la gloire ? Enfin, j'imagine qu'une gloire qui arrive trop rapidement quand on est très jeune risque de provoquer une espèce de déséquilibre. Il faut même s'y habituer à la gloire. Quand ça vient trop brutalement, il me semble que c'est assez difficile. Vous savez, justement, c'est le bon côté, c'est que c'est venu si brutalement et d'une manière si outrée, je peux dire, que je ne pouvais pas ne pas voir le côté un peu ridicule de la chose. Par conséquent, vous avez toujours gardé un sens critique à cet égard. On ne peut pas faire autrement. Quand on a écrit un livre, vous savez, un livre dont on n'est même pas tellement sûr s'il est bon ou pas, se voir photographié partout, ça ne vous prouve pas que le livre est bon. Oui. Est-ce que ces côtés de la gloire, c'est-à-dire la photographie, les interviews comme celui que nous faisons en ce moment et autres, est-ce que ça vous agace, sincèrement ? Ouais, ça dépend des jours. C'est effrayant quand on a écrit quelque chose, justement, comme une pièce ou un livre, c'est que... On vous pose, je ne dis ça pas du tout pour vous d'ailleurs, non. Mais on vous pose toujours la même question. Par exemple, il y a une question que vous ne m'avez pas posée et qu'on m'a posée peut-être 600 fois depuis 10 jours, c'est la question suivante. Quelle différence faites-vous entre le roman et la pièce de théâtre ? Je suis sûr que vous me disiez que je ne vous ai pas posé, j'avais aucune envie de vous poser cette question parce qu'elle est absurde en soi, elle ne signifie absolument rien. Cette question, j'ai chaque fois envie de renverser le verre et de m'en aller, chaque fois qu'on m'en parle. Je suis heureux de ne pas vous avoir posé de question entraînant une telle réaction. Puisque vous me parlez des rapports du théâtre et du roman, je vais vous poser la question autrement. Vous demandez si dans l'avenir, puisque maintenant vous avez goûté les deux genres, du roman et du théâtre, qu'est-ce qui vous fera le plus plaisir dans l'avenir à écrire ? Ben, écoutez, moi j'ai un grand fait pour le roman, parce qu'on est... c'est quand même beaucoup plus libre, et beaucoup, on peut aller peut-être beaucoup plus profond dans un roman que dans une pièce, pour moi. Parce que le roman est un truc fait de suggestions, et le théâtre, finalement, c'est purement démonstratif. Alors, j'ai plutôt un fait pour le roman, mais ceci dit, j'aime beaucoup le théâtre, et si j'ai l'occasion, si j'ai envie, si j'ai un sujet, j'écrirai une autre pièce, sûrement. C'était « Plein feu sur les spectacles du monde », une émission de René Villemet. Oui, la radio s'intéresse avec sérieux à l'actualité artistique, aux créations les plus récentes. Elle sait aussi se moquer d'elle-même, ou mieux, ou pire, se moquer de ses petits camarades. En fait, se moquer, non, mais les pasticher, oui, ce qui est le principe même de la série de Jacques Provin et Michel Méry, Radio Pastiche. Certes, les allusions, les détournements, les jeux de mots sur les noms propres étaient à l'évidence plus clairs pour les auditeurs lors de la première diffusion, le 10 juillet 1960, sur la chaîne parisienne. Alors, eh bien, c'est tout simple, transformons-nous en auditeurs de 1960. Et voici Radio Pastiche, une réalisation de Jacques Provin et Michel Méry, interprétée par les auteurs. Jean du monde entier et d'ailleurs... Foule invisible et lointaine, bonjour. Allô, allô, ici Radio Pastiche. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs. La Radio Pasticherie, télépasticherie française, vous prie d'écouter Prestige des Tréteaux, une émission de la Société d'Histoire des Planches. Aujourd'hui, Germain de Masseur. Texte de Léon Chancel avec la comédienne Geneviève Rage, le comédien René Sermon, Bastien le secrétaire, Léon Chancel, en visite Jean-Jacques Vénard. Germain de Masseur, pour être demeuré moins célèbre que la plupart des écrivains de son époque, n'en a pas moins été un très bon auteur dramatique. Il a déjà avec un point commun, la particule. Oui, comme François de Curel, Armand de Cagavet, Georges de Portoriche, Robert de Flers, Germain de Masseur portait un nom noble, comme tous, quoi. C'est ça, comme Maurice Donnet, Eugène Brieux, Henri Bataille... Oh, je vous en prie, c'est pas le moment de plaisanter. Il voulait d'abord être comédien, je crois. Oui, c'est son père qui le premier lui donna le goût des planches. Il était acteur. Non, menuisier. Les grands rôles surtout l'attiraient. Forcément. Il le raconte dans ses souvenirs avec beaucoup d'humour. Tiens, lis au bas de la page, là. Non, non, lis-toi. Non, bon, enfin, bon. Bien que n'ayant pas le physique de l'emploi, étant doté d'un tout petit appendice nasal, je jouerais bien Cyrano, néanmoins. Ah, c'est amusant, ça. Mais il écrit encore parlant de son enfance. Il ne faut pas montrer du doigt, il ne faut pas manger avec ses doigts, il ne faut pas mettre ses doigts dans son nez, il ne faut pas mettre ses doigts dans sa bouche. Alors à quoi ça sert, les doigts ? Puis, parlant de sa jeunesse cette fois, j'ai poussé mes études si loin que je n'ai pas pu les suivre. Ou encore, je pense tellement à ce que j'ai à faire que je n'ai plus le temps de le faire. Ou encore... Oh, je vous en prie, à mon tour. Nous ne sommes pas là pour feuilleter le carnet intime de l'auteur, mais pour examiner son œuvre. C'est très, très juste, très juste. Il voulait donc être acteur et devint auteur. Qu'est-ce qui le décida ? Qu'est-ce qui l'influença ? La grippe. Oui, c'est au cours d'une forte grippe qu'il se mit à écrire. En quelque sorte, c'est l'influenza qui l'influença. Oh, bravo. Non, ça, je vous en prie, je vous assure que ça ne vaut pas ça. Son théâtre ne se joue presque plus, n'est-ce pas ? Plus du tout, même. Il n'était pourtant pas plus mauvais que ceux qui ont survécu. Traitait-il des sujets très variés ou avait-il un thème favori ? Son théâtre était très varié. Bon, Pas tellement. Ah, moi je trouve que si. Bah, tu trouves ce que tu veux, mais c'était toujours la même chose. Oh, ça absolument pas. Tiens, oh, regarde, infidélité. De quoi s'agissait-il? C'est l'histoire d'un ménage heureux, et brusquement le mari apprend que sa femme le trompe, ce qui détruit tout leur bonheur. D'accord, mais vois, inconstance, ouais. C'est exactement le même truc. Oh, pas du tout. Non, je reconnais qu'au début, c'est aussi l'histoire d'un ménage heureux. Mais la ressemblance s'arrête là. Après, c'est la femme qui s'aperçoit que son mari la trompe. C'est tout à fait différent. Oh, c'est tout comme. Ah, bah tiens, demande à ta femme si elle préfère que tu la trompes ou qu'elle te trompe. Tu verras si elle te répondra si c'est tout comme. N'empêche que c'est toujours une histoire de tromperie. Comme dans les dupes. Ah, non. Là, pardon. Là, ils se rendent compte l'un et l'autre qu'ils se trompent l'un et l'autre. Ils sont quittes, d'accord, mais le thème est le même. La tromperie. Comme dans Le Bon Ménage. Dans Le Bon Ménage, ils ne se trompent ni l'un ni l'autre. Non, ils ne se trompent pas. Alors? Mais ils s'imaginent qu'ils se trompent, c'est pareil. Oh, si tu le prends comme ça, il n'y a plus de discussion possible. S'il te suffit d'imaginer que tu as mangé un bon beefsteak pour ne plus avoir faim, tu n'es pas difficile à nourrir. Enfin, écoutez, monsieur, je vous posais la question. Traitait-il des sujets variés ou avait-il un thème favori? Oui. Eh bien, disons qu'il traitait d'une façon variée son thème favori. Ah, ben voilà. Mais c'est d'ailleurs exactement ça. Et ce qui fait l'originalité de chacune de ces pièces, c'est la façon dont mettons, la victime découvre son infortune. Oh, racontez-nous. Eh bien, dans Infidélité, par exemple, c'est le perroquet qui lui met la puce à l'oreille. Ah, parce que le perroquet a des puces. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Le couple a un perroquet. Et quand le mari entend l'animal imitant la voix de sa femme, en répétant toujours « mon Gustave chéri », ça lui paraît bizarre. Ah, parce que lui, il s'appelle Gaston. Non, Gontran. Enfin, quand même. Eh bien, dans Inconstance, plus de perroquet. C'est le chien. Qui crie « mon Gustave chéri ». Non. D'autant que là, c'est le mari qui est infidèle. Et il ne trompe pas sa femme avec quelqu'un qui s'appelle Gustave. Mais le chien que possède le couple est très méchant avec les étrangers. Et quand, dans un salon de thé, la femme, la maîtresse du chien, quoi, voit celui-ci faire des grâces et des mamours, comme on dit, à une étrangère, eh bien, elle comprend que... Oui, que cette femme est aussi la maîtresse, non pas du chien, mais de son mari. Voilà. Et chaque fois, c'est un animal différent qui déclenche le mécanisme. Le cheval qui conduit tout seul le mari au domicile du rival. L'aquarium qui se vide alors que la meilleure amie de la famille, mais qui en principe ne vient jamais à la maison, aime beaucoup le poisson. De toute façon, c'est encore et toujours le même refrain, la tromperie. Oh, il est têtu celui-là, alors. Sans compter la pièce dont nous n'avons pas parlé, l'ignorance. Hein? Oui, où la femme et le mari sont infidèles, mais ne le savent jamais. Oui, mais là, il n'y a pas d'animal. Ah, tu vois que ça change tout. Et les critiques? Ah bah oui, ça, venons-en aux critiques. Furent-ils gentils pour notre auteur? Oh, non, ça, un critique qui serait gentil ne serait plus un critique. Qu'est-ce que ce serait? Je ne sais pas, moi, un apologiste. Oh, le joli mot. Un critique est là pour dire du mal. Dans le mot critique, il y a l'idée de blâme. Eh bien non, les critiques ne furent pas du tout gentils pour Germain de Masseur. Tenez, prenons celle-ci. Un amas de lieux communs, un monument de platitude, c'est le triomphe du rien, de la négation. Ah, ben en effet. Et cet autre? Tiens, lis-toi. Mais, le misérable a une fois de plus accompli son forfait. Oh, c'est terrible. En assassinant la rentière de Passy... Quoi? Ah non, pardon, je me suis trompé de colonne. Voilà, c'est là. C'est une série d'actes criminels qui caractérise... Oh, je crois que vous vous trompez encore. Ah non, pas du tout. Attendez, la suite. Qui caractérise la nouvelle pièce de Monsieur de Masseur. Une plume est parfois plus meurtrière qu'un revolver. Dommage que l'auteur n'écrive pas au crayon. Ah, là, je crois que c'est le critique qui veut être drôle. Mais forcément, pour être lui, il faut que ces messieurs aient aussi le sens des effets. Mais pour lutter contre ses ennemis, Germain de Masseur avait trouvé un moyen qui est encore à la mode de nos jours. Celui d'utiliser des extraits de critiques pour la publicité. Je dis bien des extraits seulement, n'est-ce pas? Tenez, cet article, par exemple, cette critique, plus exactement. Voilà, très mauvais. Je n'ai jamais rien vu de pareil, c'est le triomphe de la stupidité. Seuls les applaudissements des imbéciles viennent saluer ce lamentable chef-d'œuvre, entre guillemets. Eh bien, dans sa publicité, De Masseur supprimait ce qu'il gênait, c'est-à-dire très mauvais, seuls des imbéciles, lamentable et entre guillemets, et ce qui restait, au lieu d'être un blâme, devenait un merveilleux compliment. Tenez, la preuve, voilà, il restait ça. Je n'ai jamais rien vu de pareil, c'est le triomphe, les applaudissements viennent saluer ce chef-d'œuvre. Oh, très astucieux. Eh bien, pour terminer, au lieu de demander à notre comédienne et à notre comédien de nous jouer une scène complète d'une pièce, je vais les prier, cette fois, de nous donner des répliques éparses, extraites de diverses pièces. Ce qui n'est possible que parce qu'elles sont toutes sur le même sujet. Ah, ne recommençons pas. Hein. Non. Voici ces répliques. La vertu, c'est le plus triste des vices. Si tu veux être ma préférée, faut bien qu'il y en ait une autre. Je préfère le bœuf, mais j'aime aussi le veau. Je te préfère, mais j'aime aussi les autres. C'est pas parce que moi je te suffis qu'il faut me priver de quelqu'un d'autre. Je sais qu'à présent je ne pourrai jamais te quitter. Je ne pourrai plus que te tromper. Tout nécessitant de l'entraînement, quand son mari était absent, elle le trompait pour se tenir en forme. C'est curieux. Quand je pense à la mort de l'un de nous deux, c'est toujours moi que je vois en deuil. Faire son testament, ça n'a jamais fait mourir personne. Ben, ça en a quand même tué quelques-uns, ceux dont les héritiers étaient pressés. La radiopasticherie, télépasticherie française, vient de vous présenter Prestige des Tréteaux, une émission de la Société d'Histoire des Planches. Ainsi se termine la présente émission de Radio Pastiche. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. C'était Radio Pastiche, une réalisation de Jacques Provin et Michel Méry, interprétée par les auteurs. Personne ne pourrait prétendre que rien de marquant n'a surgi en 1960 dans l'univers du cinéma. Pour l'émission avant-première, ce n'était pas le réalisateur qui était reçu ce jour-là, mais l'actrice principale du film. Du film en question. Avant-première. Une émission de Jean Grunebaum, animée par Luc Bérimont, avec la collaboration artistique de Marcel Dinine, Jeanne Lemoine, Guylaine Jurami. Mise en onde, Bernard Gandré-Réty. Direction musicale, Roger Roger. Et la voix de Roland Ménard. Ici Jean Grunebaum. Mesdames, messieurs, je crois qu'il convient de placer en tête de notre sommaire de ce soir la longue et passionnante interview que Jean Seberg, retour d'Amérique, nous accorde à l'occasion de la sortie du film « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, dont elle est la vedette. Quelles sont les raisons de l'actuelle grève hollywoodienne? Existe-t-il une nouvelle vague américaine? Comment réagit l'Amérique au nouveau cinéma français? Ce sont toutes ces questions que Jean Seberg passe en revue avec Luc Bérimont. Jean-Paul Belmondo, qui devient une grande vedette, a Gene Seberg pour partenaire dans À bout de souffle, le film de Jean-Luc Godard, réalisé d'après un scénario original de François Truffaut, Claude Chabrol étant conseiller artistique et technique. Gene Seberg, c'est très curieux le générique de ce film, car on y voit tout à la fois le nom de François Truffaut et de Claude Chabrol à côté de celui de Jean-Luc Godard. Oui, il y a une très bonne raison pour ça. Godard était un des jeunes critiques de Cahiers de cinéma et il était très respecté comme critique. Et Chabrol et Truffaut, qui étaient tous les deux lancés avant lui et dans lequel tout le monde avait de confiance, ont décidé qu'ils voudraient, s'ils pouvaient, travailler et aider Godard à se lancer aussi. Alors, ils ont donné leur nom, ils ont travaillé sur le scénario et Chabrol a accepté d'être conseil technique pour Godard de faire son premier film. Je crois que Jean-Luc Godard est un personnage assez curieux, assez attachant. Oui, il est très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que physiquement, il ressemble tout à fait à un dessin de Paul Klee. Et il porte toujours les lunettes noires. Et en À bout de souffle, on voit Belmondo et moi, tous les deux, portent tout le temps les lunettes noires. C'est un garçon très intéressant et je crois vraiment très doué, assez enfermé sur lui-même, assez difficile de connaître. Mais très sympathique. Avec des méthodes de travail assez particulières aussi, je crois. Très particulières. Vous savez, par exemple, il est tout à fait contre le maquillage. Tous les jours, c'était le loot avec moi. Il disait, vous avez plus de rouge à lèvres que hier. Et j'avais presque pas de maquillage du tout. Et enfin, ma maquilleuse était obligée de m'attendre dans un bistrot pendant qu'on tournait dans une chambre parce qu'il trouvait que quand il y avait beaucoup d'équipes, on était toujours distrait, on ne travaillait pas aussi bien et avec autant de concentration. Et je crois qu'il a raison. Il a aussi caché la caméra. On a mis la caméra, par exemple, l'opérateur, le pauvre, dans une triporteur de poste avec une trou. Alors, il a marché sur les Champs-Élysées, Godard l'avait poussé, et Belmondo et moi, on jouait une scène sur les Champs-Élysées avec tout le monde qui passe, qui ne rêvait pas pour une minute qu'il avait une caméra qui était en train de les photographier. C'est formidable pour les acteurs, vous savez, parce qu'on est très libre, il n'y a pas des gens autour de vous qui vous regardent et qui vous faites conscience de vous-même. Bien sûr, mais on me dit que tout se passe à la lumière du jour, qu'il n'y a pas un éclairage. Non, il y avait, je crois, un jour d'éclairage dans une chambre qu'on était obligé de tourner, mais autrement c'était tous dans la lumière naturelle qui, bien sûr, est souvent assez cruelle et éclatante, et de temps en temps ça change. Mais c'est intéressant, et surtout pour les acteurs encore, c'est bien, parce que la chose qui est la plus pénible de tout, je crois, pour les acteurs, c'est d'être obligé d'attendre les heures et les heures pendant qu'on met les lumières pour faire une plan. Oui, justement, je crois que vous rentrez d'Hollywood, n'est-ce pas, Jeanne Seaberg, en ce moment? Oui. Parlant des lumières. Oui, j'ai fait un film là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de, nous expliquer la crise actuelle du cinéma américain et cette fameuse grève? Oui, je ne peux pas vous expliquer très bien le principe de la grève et que les acteurs américains ne trouve pas que c'est juste que les producteurs des grands studios pouvaient vendre pour les fortunes les films qui étaient faits plus tard que 1952, sans que les acteurs aient au moins un pourcentage de l'argent qui est gagné sur ces ventes. Ils voudraient les mettre dans leur pension, et la raison pour ça est que depuis, les films sont si récents, les gens restent plus et plus chez eux pour regarder la télévision, et il y a moins de films à faire, il y a moins d'un public, et les acteurs ont moins de travail. Alors ils ont fait une grève qui peut, c'est bien possible que ça va fermer tous les studios de Hollywood. Mais est-ce qu'il n'y a pas en dessous de tout ça une crise technique du cinéma américain? Oui, il y a, moi je crois, enfin peut-être pas une crise technique, et vous savez, je ne suis vraiment pas une experte sur ces choses, mais je crois que le grand problème derrière tout ça est le seul moyen pour le cinéma américain de regagner ce que ça a perdu en public, et même parmi les gens qui travaillent dans le cinéma, et d'encourager ceux qui n'ont jamais fait, les jeunes metteurs en scène, comme en France à ce moment, qui peut faire les choses nouvelles et fraîches et qui peut rapporter pour les films qui ne sont pas faits avec un énorme budget, mais avec un petit budget qui pouvait rapporter surtout les jeunes au cinéma. Il n'y a pas de ce qu'on appelle, nous ici en France, de nouvelle vague à Hollywood. Non, pas du tout même. Enfin, c'est une vague passée. Et il y a des très grands metteurs en scène, mais au même temps, ils sont les metteurs en scène qui maintenant commencent d'être assez âgés, et dans quelques années, il n'y aura personne pour les remplacer. Est-ce que les méthodes de travail là-bas ne sont pas un peu archaïques? Par exemple, est-ce que vous auriez pu faire à Hollywood un film comme celui-là, comme À bout de souffle? Absolument pas. Si un film comme ça est fait, ça s'appelle un film expérimental. Et il y a peut-être une cinquantaine, qui sont faites par année, mais on ne les voit jamais. Ils sont montrés dans les projections privées, personne ne les achète. Les jeunes metteurs en scène, vraiment, ils n'existent pas. Le dernier jeune metteur en scène qui a sorti était Stanley Kubrick, qui maintenant a commencé de faire les films à Hollywood, mais à part ça, il n'y a personne. Et justement, la nouvelle vague de France était reçue et très bien accueillie aux États-Unis. Quand j'ai quitté Hollywood, les 400 coups et les amants étaient en train de jouer tous les soirs à les salles pleines, parce que les gens sentent un intérêt pour ces choses qui est évident. Écoutez, Jeanne Seaberg, moi je vous écoute parler depuis un bon moment déjà, et je me souviens d'une conversation que nous avons eue à ce micro il y a 4 ou 5 ans, peut-être même 3 ans. C'est la dernière fois où vous étiez venu. Et en nous quittant, vous nous aviez dit, je vous promets que la prochaine fois que je reviendrai, je parlerai parfaitement le français. Vous ne parliez pas le français à cette époque. Mais je ne parlais pas, non. Et maintenant, vous êtes intarissable. Non. Je parle trop, mais je ne parle pas parfaitement. Non, mais vous parlez parfaitement, vous ne parlez pas trop. Non, je fais beaucoup d'erreurs. Je suis justement en train de prendre les leçons de diction. Je suis déterminée de perdre mon accent, si je peux. Vous voulez perdre votre accent pour jouer au théâtre et à l'écran? Oui, parce que ça m'intéresserait de jouer. Surtout avec le grève, vous savez, depuis, je ne peux pas tourner aux États-Unis. S'il y a les choses à faire ici, je voudrais ne pas sentir limitée par un accent. Je voudrais être capable de faire n'importe lequel rôle qui convienne avec mon personnage. Mais j'ai l'impression que ce personnage que vous interprétez dans Un bout de souffle est très loin des personnages que vous aviez interprétés jusqu'à présent. Oui, elle est très loin et elle est, je crois, le plus moderne de tous et le plus humain. Pour moi, c'est pour moi ma meilleure travail de loin. C'est un film bizarre, les gens vont trouver beaucoup de défauts peut-être, mais je trouve que, en tout cas pour mon jeu, c'est la première fois que j'étais décontracté et un peu à l'aise sur l'écran. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais ça, c'était, pour moi, c'est mon premier film. Et vous disiez que c'est un film qui a un style, n'est-ce pas? Oui, c'est un style tout à fait personnel. Il n'y a personne qui a fait un film comme ça, et ça, c'est parce que Godard, même quand tout le monde disait « Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? » Godard savait parfaitement ce qu'il faisait, et vraiment, il connaît très bien son métier. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant projeter... Malheureusement, nous n'avons projeté que la bande sonore. Une séquence d'À bout de souffle. Quelle est la scène? C'est une scène qui entre Michel, qui est Belmondo, et moi. Je suis Patricia, une petite étudiante américaine qui vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées. Le soir que je découvre que Michel est un voleur des voitures et qu'il vient de tuer un policier à moto, vous savez. Et maintenant, nous sommes dans une voiture et je suis en train de lire dans les journaux ce qu'il est. Les polices sont en train de dire à propos de leur recherche pour Michel. Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis en train de lire. Les flics me recherchent. Ils sont cons. Je suis des rares types en France qui les aiment bien. Patricia, je voudrais te caresser. Parle-moi, quoi? Ça, alors? Quoi? Tu es mariée. Montre. Oui, il y a longtemps. Avec une fille cinglée. Elle m'a plaqué, ou moi je l'ai plaqué. Je m'en souviens. Je t'aime beaucoup, énormément, Michel. Quelle impression ça te fait, Patricia, d'être dans une voiture volée? Et toi, quand tu as tué le policier? J'ai eu peur. Mais comment le police a su que je vous connaissais? Un type a dû nous voir ensemble et nous dénoncer. C'est très mal. Quoi? Dénoncer, je trouve que c'est très mal. Non, c'est normal. Les dénonciateurs dénoncent. Cambrioleurs cambriolent, les assassins assassinent, les amoureux s'aiment. Regarde, c'est beau la Concorde. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. J'ai fait une idiot aussi en gardant cette 403. Faut changer. Quoi? On va changer de voiture. C'était le 13 mars 1960 sur la chaîne parisienne. À bout de souffle, c'est bien beau. Mais on peut par ailleurs regretter l'absence de films comiques en France. C'est cette absence que Monique Berger déplore le 3 décembre 1960 sur France 1 Paris Inter. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Le rire dans le cinéma, suite de l'enquête de Monique Berger et Christelle Page. Comment font-ils rire? Jean Richard, Fernandel et un très jeune metteur en scène, Claude Lelouch, ont essayé de nous l'expliquer samedi dernier. En somme, il n'y a pas de recette. Il y a parfois une présence comique pour les comédiens et pour les réalisateurs, la recherche du fait comique. Mais il est tout de même à noter, et ceci est grave, que les bons films, les grands films qui sont présentés depuis quelques années ne sont jamais des films comiques, ni même des films divertissants. Il est évident que Rossellini, Henri Clouzon, Antonioni, Jean Renoir, Louis Buniel, Duvivier, Stan Dedonen, Elia Kazan, et plus près de nous, La Nouvelle Vague, ne réalisent que des films dramatiques quand ils ne sont pas, comme le dernier Buñuel, Nazarine, des cris de désespoir à peine déguisés. Même le dernier Truffaut, tiré sur le pianiste, qui est le récit de roman policier dit de série noire, ne décèle que peu ou pas d'humour, ou plutôt si, un humour grinçant et désespéré. Christelle Page a demandé précisément au héros de Passage du Rhin d'André Cayatte et de Tirer sur le pianiste de Truffaut, à Charles Aznavour, ce qu'il pensait du comique. Charles Aznavour, vous avez abordé avec Les Dragueurs votre premier rôle un peu drôle. Oui. Que pensez-vous, vous, du comique dans le cinéma ? Je suis obligé d'y penser par rapport à moi-même d'abord. Voilà, je pense que pour moi, le comique au cinéma, si c'est pour ma propre personnalité, c'est-à-dire que ça doit être un comique non pas de mots, mais un comique de situation, une sorte de comique au second degré, c'est-à-dire de me trouver dans une situation qui fait rire, mais ne pas être moi le comique. Oui, en somme, c'est l'idée qui doit être comique, mais non pas l'image ni le texte, c'est bien ce que vous voulez dire. C'est ça, oui. Mm-hmm. Et vous faites partie, vous, en somme, de ces jeunes en marche vers l'avenir. Croyez-vous qu'une nouvelle forme de cinéma comique peut naître ? C'est de plus en plus dur de faire rire, alors on se donne beaucoup plus de mal pour essayer de trouver un genre nouveau de comique. Et si on vous demandait, vous, par exemple, une idée de comique, qu'est-ce qui jaillirait à votre esprit tout de suite ? Alors, il ne jaillirait absolument rien. Ce serait le plus drôle de l'histoire, en somme. Je crois, oui. Comme vous l'avez entendu, Charles Aznavour n'a pas lui non plus d'idée bien précise. Mais Darry Cole, tout frisé, tout blond, dont la seule présence, il faut bien dire, est un divertissement. Que pense-t-il ? Ah ça c'est c'est très vaste, c'est un problème très vaste hein, ça. Oui. Hein? Alors je crois qu'il d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a eu des livres écrits là-dessus. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mais bon. Enfin vous, je vous demande votre recette personnelle. Écoutez, c'est je crois que c'est avant tout un goût, un besoin au même titre que de boire, de manger. Il y a des moments dans la vie où on a envie de faire rire, c'est bon de voir les réactions, faut savoir ou pouvoir faire rire. C'est un grand problème, ça. Et vous, comment faites-vous, alors ? Ça va pouvoir... Bah, admettons que j'ai quelques possibilités pour faire rire, que j'ai le désir de faire rire, ce qui est certain, que j'aime faire rire, ce qui est sûr. Le résultat, maintenant, bah, le résultat, je n'ai aucun mérite, parce que quand je vais dire quelque chose que je pense être drôle, je sais que les gens vont rire, à coup sûr, en tout cas dans la vie, c'est une chose sûre. Au cinéma, ça l'est, mais bien souvent, il se passe une chose, c'est que les gens ne... donne pas tout à fait l'occasion, peut-être, par suite de mille raisons. Enfin, il y a mille raisons qui font qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas le temps, ou que des sujets, ou le producteur, ou mille choses font que souvent on ne peut pas laisser tout à fait à l'acteur la possibilité de faire rire. Et quand vous allez être metteur en scène, quelles seront vos recettes ? Seront-elles les mêmes ? Seront-elles différentes ? Ah, bah là, alors, ça, j'aurais un souci constant, c'est de faire appel à des gens qui ne sont pas des comiques. Ça, j'ai ça en moi, je peux me gourer, hein, notez bien. Considérant qu'il y a plusieurs manières de faire rire, il y a soit des textes burlesques, à ce moment-là il faut une idée humaine et des acteurs qui jouent vrai. Si il y a des acteurs qui sont burlesques en eux-mêmes, c'est-à-dire des fantaisistes ou des natures, il faut donc un sujet le plus simple possible, le plus normal, avec des textes à mon avis aussi humains, normaux. Et troisième cas, si le sujet est burlesque, il faut donc que le tout soit interprété pour rendre la chose plausible et risible très simplement. Donc considérant toutes ces choses, mon film sera, je crois que le sujet est drôle, suffisamment drôle et valable, ainsi que les dialogues, je l'espère, pour demander aux gens qui vont l'interpréter de jouer, de ne pas faire l'idiot surtout, enfin de ne pas faire leur numéro. Et je suis mal placé pour dire ça, parce que j'arrête pas de faire mon numéro partout, dans tous les films. C'est une manière de faire rire, et je crois beaucoup en ça. Et ça rejoint d'ailleurs pas mal de films anglais et américains, où en fait, des tas de gens nous font rire sans du tout faire de grimaces, ni de se faire des crocs en jambes. Dire que c'est plus difficile de faire rire que d'émouvoir les gens, ce n'est pas vrai. Toujours est-il qu'il est plus rare, ceux qui peuvent faire rire sont, je crois, plus rares. C'est-à-dire que si on prend les gars du français, qui sont tous extraordinaires et remarquables, sur, mettons, 60, eh bien, il y aura certainement 60 qui peuvent émouvoir et peut-être même faire pleurer les gens, parce qu'on leur apprend et ils le font très bien. Que sur ces 60-là, il est indéniable que... Il n'y en a pas plus de... Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais enfin, il n'y en aura pas tellement, mettons... Il y en aura un bon petit tiers qui pourra faire rire, le cas échéant. Vous estimez en somme que c'est un don inné? Oui, ceci dit, maintenant, leur décharge, que sur, 100 personnes, ou 3 000, ou 10 000 qui peuvent faire rire au monde, Peut-être la même proportion existe en ce qui concerne de toucher les gens et de les émouvoir. Oui. Je ne dis pas non plus que faire pleurer, c'est une chose qui est plus facile. Un acteur peut émouvoir en ayant appris, en étant un très bon comédien, et le don de faire rire est ça naturel et timide. Ça prend pas. Pas du tout, ah non, pas du tout, sûrement. Ça ne s'apprend pas du tout, ah non. Noël, lui, possède le secret de faire rire, sourire et d'attendrir, ce qui est plus rare, depuis plus de 40 ans. Il est occupé pour le moment à écrire le scénario de Monsieur Blot, d'après le roman de Danny Noce. Et Noël sera le type du français moyen 1961. Mais Noël, qui n'a pas pu venir au micro, comme tous les vrais artistes, se prend à l'heure actuelle à douter de lui. Quand je vois les films grinçants et soi-disant comiques de ce qu'on appelle la nouvelle vague, je me demande si je ne me suis pas trompé. Et je dénie pour ma part, continue Noël, toute efficacité comique aux petits mots en trois lettres qui illustrent abondamment les productions actuelles. Et je préfère rester fidèle à mon vieux personnage. Vous avez entendu une enquête de Monique Berger et Christelle Page sur le rire dans le cinéma. Le théâtre, Françoise Sagan, le cinéma, Jean-Luc Godard et la littérature. Jean-René Huguenin sera l'homme d'un seul roman. Il mourra dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Le 26 décembre 1960, il était l'invité de Georges Charbonnier sur France 3 Nationale. Radiodiffusion Télévision Française présente Domaine du roman, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, Jean-René Huguenin. Pour la première fois, Jean-René Huguenin vient de publier un roman La Côte Sauvage. Livre très remarqué, ouvrage achevé. Si achevé qu'il affirme par son existence même une conception du roman. Or, jamais nous n'avons été aussi pressés par les circonstances de la création artistique de définir les genres, de fixer leur contenu, leurs frontières, quand ou si elles existent. Dans tous les arts, il semble que la réflexion sur la création de l'œuvre d'art soit de plus en plus insérée dans l'œuvre elle-même. Les impossibilités, les limites, les épuisements, la raréfaction du matériau sont autant d'aliments nouveaux. Mais cette intégration n'est-elle pas le signe d'un appauvrissement absolu ? Signifie-t-elle, au contraire, que le mécanisme de la création est plus important, plus riche par lui-même, que le matériau modelé, modulé par la création ? En même temps, le passage d'une démarche à l'autre démarche, le passage de la considération du matériau riche à la considération de la création multiple est l'image de l'évolution d'un certain nombre de créateurs. Quelle est donc l'attitude des plus jeunes créateurs? Où adhèrent-ils? Où, d'emblée, appliquent-ils leurs réflexions, leurs impulsions? Car l'appauvrissement de la matière de l'œuvre d'art dont nous sommes tous amenés à faire état caractérise peut-être un vieillissement plus rapide du créateur. Il faudrait s'en assurer. Pour un œil neuf, pour un esprit neuf, quel est l'état de jeunesse ou d'épuisement du matériau même de l'œuvre d'art? C'est afin de poser quelques-unes de ces questions que nous consacrons aujourd'hui une émission à Jean-René Huguenin. Jean-René Huguenin, estimez-vous être un représentant du nouveau roman? Non, sûrement pas. Je ne crois pas faire partie de la ligne du nouveau roman. Seulement, il y a une question qu'on pose tout de suite dans ces cas-là, qui n'est pas indifférente, c'est qu'est-ce que c'est que le nouveau roman? Au fond, si on définit par nouveau roman une tentative pour échapper aux traditions romanesques classiques, bien entendu, tous les livres modernes sont par définition des nouveaux romans. Si au contraire, on donne une définition plus stricte, c'est-à-dire un effort pour décrire la réalité telle qu'elle est, ce qui resterait d'ailleurs encore à expliquer, Alors, il faut bien reconnaître qu'un tas de partisans et de participants du nouveau roman ne sont pas, en fait, dans cette ligne théorique. C'est ainsi qu'on range Nathalie Sarraute dans les tenants du nouveau roman. En fait, Nathalie Sarraute est une romancière psychologique qui, par conséquent, ne rentre pas, je crois, dans cette tendance. Est-ce que vous ne pensez pas toutefois que dans Le portrait d'un inconnu, par exemple, il y a une espèce de tentative pour peindre l'entre les objets, pour lier dans la même phrase cet objet, celui-ci, et ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la chose qui intéresse tant les peintres d'habitude et que les romanciers ne sont pas accoutumés à essayer de peindre. C'est vrai, seulement alors l'intermédiaire entre ces objets chez Nathalie Sarraute, c'est tout de même le personnage qui les regarde. Il y a tout de même un regard humain qui se pose sur eux. Si bien que ce n'est pas ce regard de caméra objectif tel qu'on a voulu l'attribuer au nouveau roman. Je dirais la même chose de Claude Simon. Ah, je ne pensais pas à la caméra objective. Je pensais vraiment à une tentative pour lier les objets, pour donner la notion de l'espace qui les sépare et pour essayer de peindre cet espace, de le dire avec des mots. Oui, mais alors là, ça fait partie de l'art de Nathalie Sarraute. Est-ce que c'est l'art du nouveau roman en général? Après tout, non, c'est son art personnel. Dans la mesure où cela se rattacherait à la peinture des objets, dans la mesure où l'espace qui est entre les objets fait partie de l'importance conférée aux objets. Or, c'est une chose très importante dans le nouveau roman. La description du nouveau roman n'est pas la description telle que nous la connaissons dans Balzac, par exemple. Sûrement, ça c'est vrai. Prenons un autre exemple, celui de Claude Simon. Bien entendu, Claude Simon, ce n'est pas non plus la description balzacienne, mais c'est une description extrêmement colorée qui a toujours une signification par rapport à celui qui la regarde ou par rapport à celui qui la décrit, en l'occurrence l'auteur. Quand Claude Simon, dans La route des Flandres, décrit l'Exode et les paysages de l'Exode et cette fuite, cette espèce de fresque de cette chevauchée magnifique, eh bien, il y a un parti pris permanent à l'égard de ces personnages et à l'égard du paysage qu'il dépeint. Que ce parti pris puisse être analysé d'une façon psychologique, c'est certain. Je ne lui attribue pas de tendance personnellement, mais on sent la volonté de l'auteur. Et selon ce mot qui est réfuté par le nouveau roman, on voit la main de Pascal. Vous savez, Valéry disait « je vois trop la main de Pascal ». Et le nouveau roman veut dire maintenant « il ne faut pas qu'on voit la main ». Eh bien, je crois qu'on la voit chez Claude Simon et qu'on la voit chez Nathalie Sarraute. C'est ce que disait Pierre Gascard la semaine dernière. Et il adressait même un léger reproche à Claude Simon à cet égard, en disant « vous tordez ». Vous avez la volonté de tordre, vous tordez, mais je vois à la fois la torsion et la volonté de torsion. Ouais, ce ne sont pas les termes exacts qu'il a employés, mais c'était la pensée qu'il exprimait. Peut-être, je ne sais pas si on peut reprocher à un auteur d'apparaître dans ses livres. Je ne crois pas, je crois qu'on voit très bien la volonté de torsion, si vous voulez, de Proust. Et personnellement, je m'en réjouis, ça m'attendrit chaque fois. Plus il se découvre, et plus il est humain, plus il est proche de nous, et plus on aime ce qu'il écrit. En ce qui vous concerne, avez-vous la volonté de tordre ou d'apparaître? Puisque, de la manière dont cette discussion s'est engagée, nous avons un peu assimilé tordre et apparaître. Sûrement. C'est pour ça que je vous disais tout de suite, pas nouveau roman au sens le plus pur nouveau roman, c'est-à-dire robe grillée. Pas du tout, alors moi je suis tout prêt à apparaître dans mon livre. Et à me découvrir, et au contraire, j'ai l'impression que ça vient peut-être un peu mieux quand je parle de moi, à travers n'importe quel prétexte, celui d'un personnage ou celui d'un décor. Dans le cadre du nouveau roman, eh bien, pour revenir à l'exemple de Robe Grillée, qui est le plus typique, le seul au fond qui représente vraiment cette tendance, il y a chez Robe Grillée, c'est certain, une grande exigence, c'est l'exigence de rompre avec la tradition romanesque, de rompre avec le parti pris de signification, et d'essayer de décrire la réalité telle qu'elle. Mais je me demande si... Pourquoi dites-vous que, je ne dis pas que cela est faux, que Robe Grillée est le plus représentatif des auteurs du nouveau roman? Parce que... À quel trait? Eh bien, dans la mesure, premièrement, où c'est sans doute celui qui réalise le mieux ce parti pris d'objectivité, il n'y a pas de personnage, il n'y a qu'un œil qui se promène à l'intérieur d'un décor et qui le juge dans sa réalité mathématique. Et pour une autre raison qui est qu'une certaine école, une certaine tendance de jeunes écrivains, ont suivi plutôt Robe Grillée que les autres. Et je pense à une jeune revue qui est éditée au Seuil, qui s'appelle la revue Telle Quelle, à laquelle collaborent entre autres Philippe Solers, Jean Edernalier, qui sont des écrivains de talent. Mais je crois qu'ils sont peut-être un peu trop attirés, un peu trop fascinés pour le moment, ils sont jeunes, comme moi d'ailleurs, par Robe Grillée. Et en l'occurrence, il y a, si vous voulez, dans l'ensemble de cette tendance, il y a un aspect trop théorique pour être vraiment romanesque. Je crois que dans le roman, une théorie est toujours la justification d'une impuissance. Alors qu'il y ait une exigence, c'est certain, c'est très beau, mais il y a aussi une impuissance. Mais l'impuissance ou même une impossibilité peuvent être la matière première la plus solide qui soit pour l'œuvre d'art. Je pense Je crois, je n'hésiterai même pas à dire que, pour ceux qui écrivent actuellement, l'impossibilité et l'impuissance sont le matériau premier. Je pense que ça l'a été pour tous les écrivains. Je suis plus sceptique quand il s'agit d'une impuissance à exprimer une sensibilité, et peut-être même de l'impuissance à ressentir tout court, à éprouver tout court des sentiments et des sensations fortes. Est-ce qu'il est possible de faire éprouver une... et dire sont deux. Je sais, mais peut-on dire sans éprouver? Alors, personnellement, c'est très possible. Ça, vraiment, je ne crois pas être dans le vrai d'une façon systématique, mais pour ma part, ça me paraît impossible. Quand vous avez lu La jalousie de Robe Grillet, après avoir achevé le livre, est-ce que vous pensiez être en présence d'une vision absolument objective et je reprends vos propres termes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans aucun personnage? Est-ce que vous connaissiez des personnages ou est-ce qu'il n'y avait pas de personnages? Vous avez raison, c'est très difficile alors de réfuter cet argument pour La jalousie, qui est à mon avis le plus beau livre de Robe Grillet et où il y a sûrement des personnages. Là, c'est une réussite technique extraordinaire. Je ne dirais pas la même chose du Voyeur, ni surtout du dernier dans Le labyrinthe. Où il me semble qu'à ce moment-là... C'est à La jalousie que je pensais. Je pense, moi, qu'on voit les personnages et que quand le livre est terminé, on les connaît. Et que, à la vérité, la technique a peut-être été différente, mais... Je suis avec des gens comme d'habitude quand je lis un roman. Oui, parce que Robe Grillet vous laisse imaginer les personnages. C'est aussi l'un des aspects fondamentaux du nouveau roman. Il faut que le lecteur fasse tout le travail d'imagination que le romancier ne veut plus faire. Mais est-ce que, emporté par l'exaltation qu'on a à faire le roman soi-même à mesure qu'on le lit, est-ce qu'on ne s'abuse pas sur les intentions de l'auteur et est-ce que finalement on ne devient pas beaucoup plus un écrivain qu'un lecteur? C'est possible, mais à ce moment-là... Est-il dit que l'auteur a une intention? Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait une intention en dehors de ses intentions propres. Comment l'auteur peut-il préjuger de ma réaction à moi, lecteur? Il peut entendre me diriger dans une direction, il n'est pas sûr qu'il y parvienne. Certainement, mais il peut aussi, comme le fait Robe Grillet, ne vous donner aucune, n'avoir aucune intention apparemment, et vous laisser prendre celle que vous désirez, ce qui me paraît peut-être un peu trop large comme éventail. Ce qui, alors là, efface complètement la présence d'un homme, d'un auteur, d'une personnalité dans un livre. Et je pense que Robe Grillet serait très content qu'on dise ça, puisque c'est ce qu'il recherche. Il me paraît que, dans cet ordre de recherche, on ne peut pas faire réellement une œuvre. C'est-à-dire apporter à un lecteur ce qu'il cherche à trouver, en général, dans une œuvre, malgré tout une voix inconnue, nouvelle, qui lui dit des choses d'une façon très précise, beaucoup plus définie, beaucoup plus délimitée, que, encore une fois, cet éventail très vaste de possibilités, d'intrigues, de couleurs, qu'il réinvente lui-même. Et si l'on considère le cas de Claude Simon, voyez-vous ou ne voyez-vous pas dans l'œuvre de Claude Simon des apports de techniques d'écriture qui seraient de nature d'ailleurs à modifier l'expression complètement? Sûrement. Alors les apports de techniques sont très importants. Là, c'est un autre aspect. Et même chez Robe Grillet d'ailleurs, et je crois qu'ils doivent être retenus. Il me semble qu'on ne peut pas écrire maintenant des romans qui ne tiendraient aucun compte, consciemment ou non, de l'apport technique de Claude Simon, de Robe Grillet ou de Nathalie Sarraute. C'est sûrement capital. Et personnellement, sans faire de nouveaux romans et sans avoir d'ailleurs leur talent, je crois avoir été influencé, bien que je ne sois pas d'accord avec eux, par cette recherche technique, certains procédés de style, de rythme, qui me paraissent très importants. Donc, en ce qui vous concerne, attachez-vous à l'objet l'importance que les auteurs du nouveau roman lui attachent? À une sorte d'objet, oui, mais c'est un objet qui reste beaucoup plus romantique. C'est l'objet tel que nous le sentons. Par exemple, un paysage, la vieille formule « un paysage est un état d'âme », je pourrais la faire mienne. C'est pour ça que l'un des personnages principaux au fond de mon livre, c'est la Bretagne. Et la Bretagne, si vous voulez, dans ses arbres, la mer, les rochers, ce sont des objets. Ils jouent un rôle capital seulement. Ils jouent un rôle dirigé et orchestré qui a pour but d'obtenir chez le lecteur une certaine émotion, un certain effet. Par conséquent, ils ne sont pas objectivement observés. Est-ce que votre livre pourrait se passer ailleurs qu'en Bretagne? Je ne pense pas, parce que ce cadre breton a un aspect encore sauvage, désolé, qu'on ne trouverait sûrement pas sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Basque. Et il a, en outre, quelque chose de sacré, presque de mystique, qui s'accorde assez bien au tempérament des héros du livre, qui au fond sont, surtout le héros principal Olivier, à la recherche d'une certaine forme d'absolu, dont il ne sait pas encore si c'est un absolu mystique au sens où l'entend de Dieu, mais il est en révolte, il refuse la réalité telle qu'elle. Par conséquent, le meilleur endroit pour la refuser, si vous voulez, c'est la Bretagne, où précisément on croit encore au phénomène supraterrestre, à l'Ankou qui est censé représenter la mort, et dès qu'un paysan breton entend un bruit de charrette entre 6 et 7, pas tous je pense, mais enfin beaucoup d'entre eux encore, croient à ces légendes, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas des légendes, c'est une question de personnel. Êtes-vous le héros du livre ? Tous les romanciers, je pense, sont les héros de leurs livres. Ils sont même peut-être tous les personnages à la fois. Alors êtes-vous seulement... le personnage principal? Eh bien, le personnage principal est une partie de moi-même qui va jusqu'au bout. Si j'allais jusqu'au bout de cette partie, probablement je m'assimilerais à lui, mais je n'y tiens pas du tout d'ailleurs parce qu'il fait des choses un peu trop extravagantes. Mais en même temps, probablement, c'est parce que je n'en aurais pas le courage, si vous voulez, ou parce que je ne serais pas capable de prendre ce risque, d'aller jusqu'au bout, d'essayer de m'avouer des vérités que lui s'avoue, que je préfère les écrire, et c'est probablement pour ça que j'écris, parce que j'aurais envie, en effet, peut-être, d'être ce héros. Je ne peux pas, je ne suis pas capable de l'être, alors je le dépeins, je l'invente. Qui est-il ? C'est un jeune homme de 24 ans, qui revient de son service militaire en Algérie, et qui apprend que sa sœur va se marier. Aragon, dans l'émission qui lui a été consacrée, a fait lire un passage de votre livre La Côte Sauvage, et il a cité, en insistant particulièrement sur elle, deux phrases. Deux personnages parlent, et l'un des deux dit à l'autre, ça n'était pas trop dur, l'Algérie, et le second lui répond, je t'ai écrit tout ce que j'en pensais, dis-moi Pierre, pourquoi as-tu pris un poste à l'étranger? On parle d'autre chose. Aragon dit sans ces deux phrases, le livre ne serait pas aussi bien compris, aussi profondément senti. Deux phrases très courtes, très importantes, indispensables. Est-ce que vous les avez écrites avec l'intention que vous prête Aragon? Je crois que c'est un peu excessif, mais d'autre part, il est certain qu'Olivier a été très marqué par la guerre d'Algérie. On n'y fait plus jamais allusion, précisément pour mieux marquer, je crois, cette hantise qu'il en a gardée. Il a été marqué, qui influera sur son comportement? Qui influe un peu, qui est beaucoup plus le symbole, si vous voulez, de son comportement et de sa situation que l'influence de son caractère. Elle est le symbole dans la mesure où elle fait partie d'un certain bouleversement du monde, comme en fait partie également l'exode qui est évoqué au milieu du livre et qui retrace la période pénible de 1940. Alors, au même titre, la guerre d'Algérie l'a marqué, puisqu'il fait partie de sa génération qui vit dans un monde en bouleversement continuel, et qui par conséquent a d'autant plus de mal à se trouver. Donc il a 24 ans, il revient de la guerre d'Algérie, qui est-il à ce moment-là, et que fait-il? Eh bien, ce qu'il est, on l'apprend à mesure, ce qu'il fait, c'est qu'il s'oppose au mariage de sa sœur. En effet, à partir du moment où sa sœur lui apprend qu'elle va se marier, elle a 4 ans de moins que lui, il a toujours été très tendrement attaché à elle, mais à partir du moment où elle lui apprend cela, sa tendresse se cristallise et se transforme un peu en passion qui reste très pure, mais qui malgré tout l'incite à essayer d'empêcher le mariage. Et je crois qu'il y a dans cette cristallisation, la source de cette cristallisation, c'est la découverte tout à coup de la jalousie, la possibilité que sa sœur lui échappe. Et la jalousie comme moteur de l'amour, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup, et c'est l'un des passages de La Recherche du Temps Perdu l'illustre admirablement. Après cette découverte, et tout au cours de la première partie du roman, Olivier va tenter d'interrompre cette union, qui n'est d'ailleurs qu'une union sentimentale, entre son ami Pierre et sa sœur Anne. Et il imagine cependant la réussite possible du mariage, et il se complaît un peu à l'imaginer, car il y a chez Olivier une certaine complaisance à souffrir. Il aime souffrir, et je ne sais pas si sa passion ne s'exaspère pas d'autant plus qu'il en attend plus de douleur. C'est pourquoi, très souvent, il les quitte, il s'isole, il ne participe pas à leur jeu, à leur promenade, et quand il y participe, c'est toujours en étranger, pour mieux profiter de sa solitude, de son dépaysement et de sa souffrance. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 26 décembre 1960. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1960, troisième émission, Archivina, Hervé Evano. Réalisation, Virginie Mourté. Une émission de Philippe Garbi. À suivre.